Le jour est moins avancé que je ne croyais. L'heure à laquelle elle a coutume de se montrer, derrière sa jalousie, est encore éloignée. N'importe. Il vaut mieux arriver trop tôt que de manquer l'instant de la voir. Si quelque aimable de la cour pouvait me deviner, à 100 lieues de Madrid, arrêté tous les matins, sous les fenêtres d'une femme à qui je n'ai jamais parlé, il me prendrait pour un Espagnol du temps d'Isabelle. Pourquoi non? Chacun court après le bonheur. Il est pour moi dans le cœur de Rosine. Mais quoi? Suivre une femme à Séville, quand Madrid et la cour offrent de toutes parts des plaisirs si faciles? Et c'est cela même que je fuis. Je suis là des conquêtes que l'intérêt, la convenance ou la vanité nous présentent sans cesse. Il est si doux d'être aimé pour soi-même. Et si je pouvais m'assurer sous ce déguisement, au diable l'importun !